Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte à BO. Et oui, chaque semaine, l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film. Nous allons passer une demi-heure ensemble pour écouter de très belles bandes originales, toujours en compagnie de Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors, j'espère que tu es en pleine forme pour ce nouveau numéro. Ah bah, comme toujours. Alors Francine, quel est le programme du jour ? Alors, au programme aujourd'hui, vous retrouverez nos rubriques habituelles avec la musique d'Ennio Morricone, de Lalo Schifrin, Nino Rota et d'autres merveilleux compositeurs. Eh bien, parfait, Francine. On se retrouve dans quelques instants donc pour cette belle programmation. Alors, commençons par notre traditionnelle première séquence, la séquence BO culte avec « Il était une fois en Amérique ». C'est le dernier film produit par Sergio Leone. Il est sorti en 1984 et on y trouve notamment Robert De Niro, James Woods et Elizabeth McGovern. Alors, le film démarre à la fin de la prohibition à New York, recherché par le FBI à la suite d'une combine qui a mal tourné. David Auranson, alias Noodles, doit quitter la ville en catastrophe pour n'y revenir que trois décennies plus tard, en 1968, alors qu'une mystérieuse note le presse de se rendre sous la tombe de ses anciens amis. De retour dans le quartier juif de Brooklyn, Noodles rappelle à lui les souvenirs de sa jeunesse, son adolescence dans les rues, les règlements de compte entre bandes, ses rendez-vous amoureux avec Deborah et sa rencontre avec Max, le caïd qui l'entraîna peu à peu dans le crime. Alors Ennio Morricone, compositeur attitré de Sergio Leone, écrit et enregistre la musique près de 10 ans avant le tournage du film, en se basant justement uniquement sur le scénario. Et Leone, comme il l'avait fait dans Il était une fois dans l'Ouest, utilise la musique sur le tournage, à la manière des musiciens de plateau des années 20, pour aider les acteurs à trouver des émotions adéquates et s'imprégner de l'ambiance du film. Cela l'aidait aussi, personnellement, dans son propre travail, afin d'adapter le rythme de mise en scène ou le découpage qu'il imaginait déjà. Eh bien donc, écoutons sans plus attendre cette très belle musique d'Ennio Morricone pour ce film « Il était une fois en Amérique ». Alors après, il était une fois en Amérique, et maintenant coup de projecteur sur Bullitt, un film de Peter Yates sorti en 69 avec Steve McQueen et Jacqueline Bisset. Le lieutenant Bullitt de la police de San Francisco est chargé par un politicien ambitieux de protéger un gangster dont le témoignage est capital dans un procès où est impliqué l'homme politique. Alors, au moment de la sortie de Bullitt, la scène de la course-poursuite dans les rues de San Francisco engendra un énorme engouement autour du film, parvenant à se démarquer de celles qui l'ont précédé par un réalisme saisissant, notamment grâce au positionnement judicieux des angles de vue. Et alors, Jérôme, est-ce que tu sais finalement les spécificités de cette scène en termes de durée, exemple ? Non. Bah, j'ai vu ce film il y a très très longtemps. Je sais que cette scène, effectivement, elle dure assez longtemps, mais... Alors, cette scène, elle a duré quand même 10 minutes et 53 secondes. Et donc, elle fait maintenant partie des classiques du cinéma américain. Mais tu me donnes envie de revoir ce film. Il faut absolument que je revoie ce film. J'adore Steve McQueen, en plus. Moi aussi. Hein. Alors, le maire de San Francisco autorisa Steve McQueen à tourner dans la ville et mis à la disposition de l'acteur des policiers pour barrer les rues et pour assurer la sécurité des lieux où avait lieu l'action. En guise de remerciement, Steve McQueen obligea les studios Warner Bros. À donner au maire l'argent nécessaire à la construction d'une piscine. Ah ben, en effet, original. Voilà. Et la bande originale, d'inspiration Jay-Z, accompagnée de cuivre et de percussion, est enregistrée en 68 par le compositeur, pianiste et chef d'orchestre Lalo Schifrin. Bah, très bien, je crois que tu adores le jazz, donc je crois que tu vas apprécier. Voilà. C'est pour ça que tu as choisi ce... Et on va écouter tout de suite le thème principal de Bullitt. Et ben, c'est parti. Thank you. Voilà, c'était donc un extrait de la BO de Bullitt signé Lalo Schifrin. On retrouve effectivement un petit peu un air de ressemblance avec Mission Impossible, parce que Mission Impossible, c'était aussi Lalo Schifrin. Allez, on passe maintenant à la BO coup de cœur avec Le Parrain, un film de Francis Ford Coppola sorti en 1972 et qui sera suivi par d'autres films en 1974 et 1990. Alors l'histoire, vous la connaissez, se déroule de 1945 à 1955. Le film aborde le sujet de la succession du patriarche d'une famille de la mafia américaine, Vito Corleone, dit Le Parrain, interprété par Marlon Brando, et de l'ascension de son plus jeune fils. Alors Francine, qui jouait le fils de Marlon Brando? Al Pacino. Eh oui, le grand Al Pacino qui initialement souhaite rester en dehors donc des activités au départ criminelles de la famille. Alors le film remporta 3 Oscars, celui du meilleur film, du meilleur acteur pour Marlon Brando et du meilleur scénario adapté pour Puzo et Coppola. Mais Marlon Brando a refusé en 73 son Oscar car le comédien qui n'était pas présent lors de la cérémonie avait donc envoyé une jeune amérindienne pour refuser la précieuse statuette en son nom. La raison, eh bien, le sort réservé aux Indiens dans l'industrie cinématographique et plus globalement aux États-Unis. Alors c'est l'Italien Nino Rota, par ailleurs compositeur attitré de Fellini, qui signe le célèbre thème du Parrain, que je vous propose donc tout de suite d'écouter. Thank you. Alors maintenant, place à la BO Suspense avec l'affaire Thomas Crown, un film de Norman Jewison réalisé en 68. Alors Thomas Crown, séduisant banquier divorcé, estime que sa vie d'homme riche ne lui procure plus aucune satisfaction. Afin de ressentir à nouveau le frisson de l'aventure, il prépare minutieusement avec la complicité de 5 hommes de main qui ne se connaissent pas et qui ne se rencontreront qu'une fois, l'audacieux braquage de sa propre banque, ce qui laissera la police perplexe. Alors je crois, Francine, qu'au départ, c'était pas Sean Connery qui était pressenti pour le rôle ? Si, tout à fait. C'est Sean Connery, en effet, qui avait été pressenti pour le rôle, mais il a décliné l'offre et donc il dira plus tard quand même avoir regretté. Hein. Ah oui, c'est sûr. Parce que le rôle, finalement, revient à Steve McQueen, qui dira qu'en plus, ça a été son rôle favori. Très bien. Alors, la musique est signée, tu sais, Jérôme ? Alors là, pas du tout. Michel Legrand. Ah bon ? Oui. Michel Legrand qui a composé pour... Tout à fait. Aux États-Unis, alors je ne savais pas. Oui, bah c'est sa première composition à Hollywood. Il vivotait depuis 2 ans quand Norman Jewison lui a proposé de composer la musique du film. Il y avait 5 heures d'images, je ne savais pas comment les monter. Donc Michel Legrand lui a proposé d'écrire 1h30 de musique et de monter le film à partir de la musique. C'était la première fois que cela se faisait à Hollywood et ça a marché. Donc le film a remporté l'Oscar de la meilleure bande originale avec la chanson de Michel Legrand, Les Moulins de mon cœur. Ah ben écoute, je n'aurais jamais associé cette chanson à cette affaire Thomas Crown. J'aurais plutôt dit que c'était un film de Jacques Demy, hein, puisque on sait que Michel Legrand était l'un des compositeurs favoris de Jacques Demy. Eh ben oui, donc écoutons tout de suite Les Moulins de mon cœur. Eh ben c'est parti, Francine. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des 4 saisons. Tourner de ton nom bien sur Radio Fadjet et vous écoutez la boîte à BO. Et après donc cette chanson de Michel Legrand, Les Moulins de mon cœur, qui était la BO de l'affaire Thomas Crown, on va passer maintenant à la BO science-fiction avec 2001, l'Odyssée de l'espace, un film de Stanley Kubrick sorti en 1968. Alors le scénario du film traite de plusieurs rencontres entre des êtres humains et de mystérieux monolithes noirs censés influencer l'évolution humaine. 2001, l'Odyssée de l'espace est empreint de plusieurs thèmes, notamment l'évolution humaine, la technologie et l'intelligence artificielle ou encore la perspective d'une vie extraterrestre. Alors le film fait l'objet d'une projection remasterisée au Festival de Cannes 2018 par Christopher Nolan, en présence notamment de la fille du réalisateur Katharina Kubrick, et le film est ressorti justement en salle au mois de juin 2018. Alors la bande-son mémorable bien sûr est conçue par Kubrick pour épouser au mieux les scènes du film. Ainsi Kubrick use de la suite de valse, donc du Beau Danube Bleu de Strauss, pour rappeler le mouvement des danseurs de valse lors du mouvement de rotation des satellites. La version du film est jouée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. Cette musique accompagne le voyage du Dr. Floyd de la Terre jusqu'à la station orbitale et de la station orbitale jusqu'à la Lune. Écoutons donc sans plus attendre ce morceau inattendu pour un film de science-fiction. Thank you. notre dernière séquence BO, romance, comédie musicale. On retrouve un film qu'on a tous connu, Grise, oui. Sorti en 78 et réalisé par Randall Kaiser. Enfin, on était peut-être quand même un petit peu jeune, hein, mais bon. Alors, le film est adapté à une comédie musicale créée en 72 à Broadway et il raconte la vie d'une lycéenne australienne en vacances aux États-Unis qui rencontre un chef de la bande. Alors, Grise fut un succès mondial, totalisant près de 400 millions de dollars de recettes en salle dans le monde et constitue un record d'entrée au cinéma pour une comédie musicale. Alors John Travolta, qui avait déjà acquis une certaine notoriété pour son rôle dans La Fièvre du samedi soir, mais ce fut avec Grise qu'il devient vraiment célèbre. Et alors justement, il semblerait que durant le tournage, Travolta s'est permis quelques caprices. Ah bah oui, il a exigé d'être conduit sur le plateau en voiture blindée. Très bien. Il a demandé à être protégé en permanence par un garde du corps et deux policiers. Et il a aussi imposé à son partenaire Jeff Conaway, qui mesure quelques centimètres de plus que lui, de se tenir un peu penché, afin qu'il soit davantage crédible dans son image de chef de bande. Pas facile. Hein. Non. Alors, le morceau le plus célèbre de ce film est « You are the best that I want », que nous allons donc tout de suite vous faire écouter, mais sûrement réécouter. Sandy? Tell me about it, Stud. C'est sur cette musique endiablée que se termine la boîte à BO. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pu apprécier donc et vous découvrir donc de nouvelles musiques de films. Alors n'hésitez pas à laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet et de nous faire part de vos BO coup de cœur. Eh bien Francine, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de rester donc fidèle à Radio Fadjet et on retrouve tout de suite la BO du film Grise.